Cette année encore, les hommes arrivent en tête du classement, mais ils sont moins nombreux et moins riches qu'avant. 1810 milliardaires en 2015, c'est 16 de moins qu'en 2014. En première position, Bill Gates, une fortune estimée à 75 milliards de dollars, le cofondateur de Microsoft, indétrônable pour la troisième année consécutive. Ce logo espagnol, vous le connaissez, le créateur, pas sûr, le très discret Amancio Ortega, arrive en deuxième position avec un patrimoine estimé à 67 milliards de dollars. C'est 7 milliards de plus que l'homme d'affaires américain Warren Buffett qui arrive à la troisième place. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, n'arrive qu'en sixième position certes, mais sa fortune a augmenté de 11 milliards de dollars en 12 mois. Enfin, une héritière norvégienne fait son entrée dans le classement avec 1,2 milliard de dollars. La plus jeune, elle a 19 ans.